Tu qu'un employé ou auxiliaire dans le privé, j'ai pas eu le choix. Mais moi ils seront fonctionnaires, ils font ce que je dis, ils sont chez moi. Dehors leurs gens ne se parlent plus, moi les gamins ils se mettent à table. Sans téléphone de superflu, on mange devant les chaînes de câble. Du câble. Je comprends pas les mecs macho, ma femme choisit tout à Carrefour. Elle bosse dehors, lave les marmots, elle fait trop bien le poulet au four. Faire mal aux femmes, c'est minable, c'est nul les discriminations. Vive le porno interracial, tu taperais tes soumissions. Mission. Qu'est-ce que j'y peux si rien ne va bien? Qu'est-ce que j'y peux, je suis quelqu'un de bien. Qu'est-ce que j'y peux si le monde va mal? Qu'est-ce que j'y peux, moi je suis normal. Normal, normal, papa, papa, papa, normal. J'en ai ma claque, des gens racistes et encore plus des femmes voilées. J'aime tout le monde, je suis progressiste, même de juifs à qui j'ai parlé. Je peux pas saquer les homophobes, moi cher lapin, c'est mon voisin. En couple avec un certain Bob, après je me lave un peu les mains. Les mains. Je porte pas ces gros bourgeois qui me toisent avec leurs airs de cuistre. Comme si j'étais le clodo d'en bas, ces minables qui tout le jour se cuitent. Marre des patrons de grosses sociétés, marre des actionnaires reventrus. Je militerais à la CGT si ce n'était pas aussi mal vu. Mal vu. Qu'est-ce que j'y peux si rien ne va bien? Qu'est-ce que j'y peux, je suis quelqu'un de bien. Qu'est-ce que j'y peux si le monde va mal? Qu'est-ce que j'y peux, moi je suis normal. Normal. Normal, papa, papa, papa, normal, normal, normal. Les pesticides dans notre bouffe, paraît que c'est le crabe à petite dose. Nos vies, elles valent pas brousouf, faut bien mourir de quelque chose. Des noirs extraits, nos uranium, y en a qui sont mineurs de foie. Et du colbart pour nos smartphones, les radiations sont loin de chez moi. La France bombarde au Proche-Orient, les mères et leurs enfants, c'est triste. Mais faut bien prendre les devants face aux barbares terroristes, des réfugiés, métro chapelle, et des gamins, ceux qui ont faim. Mais faut que je rembourse mon Opel, et puis brochant, bah je suis trop loin. Trop loin. Si rien ne va bien, qu'est-ce que j'y peux, je suis quelqu'un de bien. Qu'est-ce que j'y peux si le monde va mal, qu'est-ce que j'y peux, moi je suis normal. Normal, normal, papa, papa, papa, normal, normal, normal. Un jour j'aurai du pouvoir, mon pote, un jour je serai important. C'est redoublage de touch des potes, pour moi le soir doit être peu portant. Mais là vraiment je peux pas grand chose, je suis trop petit, je décide de rien. Et si un jour la bombe explose, que tu veux tuer moi j'y serai pour rien. Pour rien. Qu'est-ce que j'y peux si rien ne va bien? Qu'est-ce que j'y peux, je suis quelqu'un de bien. Qu'est-ce que j'y peux si le monde va mal? Qu'est-ce que j'y peux, moi je suis normal. Normal, normal, papa, papa, papa, normal. Bien. Qu'est-ce que j'y peux, je suis quelqu'un de bien. Qu'est-ce que j'y peux si le monde va mal? Qu'est-ce que j'y peux, moi je suis normal. Normal, normal, papa, papa, papa, normal.